docteur de maths, je voulais juste te montrer que je t'aime. Tu m'entends? Je ne vais pas faire ça. Je joue pas avec ma patience, tu vas ouvrir cette porte maintenant. Arrête de te cacher, tu sais pas bien, j'aime pas ça. Ne fais pas perdre mon temps, je vais ouvrir de ça. C'est comme ça que tu verras. Quand je suis violent avec toi, quand je suis méchant. Qu'est-ce que tu m'obliges à faire? Alors que ça pourrait être simple. Tu peux pas comprendre que je t'aime et que tu me mets dans des états comme ça. Ouvre-moi cette porte. Les meilleurs partent avant, mais c'était pas ton tour. Et dire que t'as vraiment fermé les yeux par amour. J'ai rien vu et pourtant je te voyais tous les jours. Pourquoi tu n'as pas appelé au secours? Oh, j'ai pas su voir que chez toi c'était les favelas. Il a plu des larmes attristées sous mon umbrella. Ma feuille est blanche peut-être parce que j'ai plus les mots. Et dire que plein de fois je vous ai trouvé trop beau. Je comprends pas pourquoi je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Je comprends pas pourquoi je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Tel premier cours physique et mental, t'aurais dû en parler. Ton sourire caché sous moi, t'aurais dû en parler. Toujours été là pour toi, t'aurais dû me parler. J'ai du mal à accepter qu'on puisse plus se parler. Oh, oh, oh, oh. C'est trop tard aujourd'hui, on ne peut plus se parler. Ah, ah, ah. Putain, donc si je comprends bien, t'étais pas heureuse. Et pour qu'au final on te tape dessus. C'est pas cette fin que mérite une femme amoureuse. Si je pouvais revenir juste une heure en arrière, oh, oh. Et pourquoi ont-ils aboli la peine de mort? Cette enculée ne mérite vraiment pas de vivre, non, non. Je m'en bats les couilles même si t'avais tort. Et alors, il avait juré pour le meilleur et le pire, oh, oh. Je comprends pas pourquoi. Je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Je comprends pas pourquoi je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Le premier cours physique et mental, t'aurais dû en parler. Ton sourire caché ce mal, t'aurais dû en parler. Toujours été là pour toi, t'aurais dû m'en parler. J'ai du mal à accepter qu'on ne puisse plus se parler. Aujourd'hui on ne peut plus se parler. Trop tard, on ne peut plus se parler. C'est trop tard.